Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Maëva, est-ce que t'es prête? Tu as ton verre en main? Oui. Allez. Oh, mais non, on voulait trinquer, t'as pété ton verre. Allez, bon, c'est pas grave, je vais trinquer avec Kix. Merci. Santé. Kix, la liaison avec Jean-Michel est bonne? Ouais, elle est bonne. Allez, c'est parti. On démarre le troquet de Jean-Michel. On va se connecter à lui. Il est dans son bistrot et on va tenter d'établir la liaison. Il faut bien sûr pour ça qu'il ait son casque sur les oreilles et son micro en main, même qu'il soit prêt. Allez. Allô, Jean-Michel, vous nous recevez, Jean-Michel? Bonsoir. Ah, bonsoir, Jean-Michel. Alors, je suis tombé sur un article hier. Oui. Mais franchement, j'ai pensé à vous. Alors, je vous le lis. Ludwig, le barman du café Hans von Guss, à Merthout, près de Mol, en province d'Anvers, a battu le record du monde derrière le bar. Il a passé au total 120 heures derrière son comptoir. Et il a précisé, je laisse la prochaine tentative de record aux jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel? Ce que j'en pense? Bah oui. Je contacte sur le champ Marlène pour qu'elle me passe son beurre durant 6 jours. Ce titre doit me revenir, Jean-Doul. Mais Jean-Michel, vous êtes client, pas barman. Et alors, t'as dû travailler bien la foire du trône, normalement, et ça ne t'a pas empêché de finir animateur radio, hein? Pas du tout, c'est pas cool, ça, Jean-Michel, vous racontez n'importe quoi. J'ai jamais travaillé dans une fête foraine. Ah bon? Et c'est quoi toutes ces fanfares et ces fameux « Ce soir, c'est Jadoul qui pilote ». Ah ça? Oui. « Ce soir, c'est Jadoul qui pilote ». Ah mais c'est des délires et mes fanfares aussi, faut pas s'inquiéter pour ça, c'est l'émission quoi. Un délire? Mais t'en veux un autre mon Jadoul? Musique! Eh ça y va rechanter. Faites ça bien au moins. Ouais, c'est long. Offrir, servir, trinquer, vomir, ce prix sera le mien. Je vis ma vie toujours ici, je ne rentre même plus chez moi. Dans mon bar, c'est la fête, tout ça poivre, que j'arrose tout ce verre de champagne. On a beau être des gens vivants, nous on veut. Évidemment, mon Nick ne sera pas très content, mais je m'en fous, évidemment. Après ces jours derrière le bar, je serai sous, oui, mais recordman, et je serai le héros de ce bistrot, évidemment. Oh là là, Jean-Michel, vous nous avez offert encore une magnifique prestation ce soir. Bravo Jean-Michel. C'est bien. Et si vous insistez pour gagner ce record du monde, allez-y, hein, mais faites attention à votre santé quand même, s'il vous plaît. Oh oui. Ouais. Et on vous le rappellera jamais assez, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut apprendre à se reposer également.